Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons le grand dossier sur Marie Curie, Paris-Rennes, commencé la semaine dernière. Donc, nous en étions restés la dernière fois au couple Curie, dans leur labo, leur amour, leur découverte, et Marie qui trimbalait des pierres à ne plus pouvoir à s'en fatiguer. Marie a réussi à purifier l'uranium. Que va-t-il se passer maintenant? Nous sommes le 3 novembre 2015 et c'est l'épisode 236. Donc bonsoir à tous, petit tour de table d'abord pour commencer. Je crois que nous avons perdu depuis la semaine dernière à Nice, Julie, qui s'est déconnectée mais qui devrait revenir à un de ces quatre, on sait pas trop. Depuis Paris, nous avons donc notre topo national. Hello. Même si ça ne parle pas spécialement de bio. Depuis Baltimore, on a Johan et depuis Santa Barbara, on a Irène, passionnée par Marie Curie. Oui. Et puis moi-même depuis Paris. Et donc au sommaire de l'émission, bah, suite et fin de Marie Curie, tout ce qu'on peut en dire, un pitch, une quote, et puis c'est tout quoi. Donc Irène, on veut savoir la suite. On veut savoir la suite, très bien. Est-ce que Pierre continue à ne rien foutre ou est-ce qu'il se met à faire quelque chose? Non mais elle a spoilé, on sait déjà. C'est bien. Mais non, mais j'ai pas dit qu'il faisait rien, j'ai dit qu'il faisait rien à la maison. T'as dit qu'il était mort, il est mort, Pierre. C'est nul. T'as dit que Pierre, quand il rentrait à la maison, alors que Marie avait trimballé des cailloux toute la journée, il demandait sa bière et son repas, quoi. Donc. Bon, bref. Donc, à ce moment, on en est où, comme on l'a dit pendant l'introduction, ils ont réussi, Marie surtout, à purifier l'uranium. Ils travaillent comme des fous, ils sont très amoureux, ils ont des enfants. Et donc, en plus, à partir de ce moment-là, le monde entier s'intéresse à leurs travaux. Alors là, c'est fantastique, c'est bien, enfin, il y a une sorte de reconnaissance, c'est bénéfique, parce que c'est vrai qu'ils commencent à obtenir plein de prix, il y a des subventions, donc les finances du couple, elles sont meilleures, et ça, c'est quand même agréable, ça leur permet de plus être un souci. Pierre, en revanche, lui, a toujours horreur des honneurs. Ça le gêne, ça le met mal à l'aise. Il a écrit aussi pas mal là-dessus. La notoriété, pour lui, ça l'empêche de travailler. Il n'aime pas donner des conférences, des interviews. Il a horreur de tout cela. Mais bon, such is life. Tout avance. Et ils vont recevoir leur prix Nobel. Donc, ils sont nominés ensemble pour leur prix Nobel. Là encore, je ne vais pas m'arrêter sur les manières de macho qui ont été employées, mais quand même, c'est lui qui a été notifié en premier, mais bref. Et il faut noter qu'ils n'y sont pas allés. Ils ne sont pas allés chercher leur prix Nobel. On est en 1901. Ils ont d'autres choses à faire, en fait. Voilà, ça ne les intéresse pas d'y aller. Ils le reçoivent, hein, ils ne le rejettent pas, mais aller chercher les honneurs, surtout Pierre, ça le dérange beaucoup. En 1903, Marie devient la première femme docteur en sciences en France. Et donc, c'est aussi l'époque où elle reçoit cette fameuse, très fameuse médaille Davy, qui est une récompense donc éminente en chimie. Hein, c'est l'équivalent de la médaille Field, j'imagine. Hein. Elle est aussi, à noter, la première femme autorisée à écouter une conférence au Royal Institute de Londres, une conférence donnée par son mari Pierre. C'est par contre aussi l'époque où Pierre et Marie, malheureusement, commencent à découvrir les effets néfastes des radiations. Et c'est intéressant de voir la biographie de ces gens-là parce que à la fois ils découvrent ces effets néfastes, mais on verra qu'ils sont beaucoup dans le déni aussi. Alors par exemple, Pierre va s'appliquer sur sa. Par terre. Comment ? Je dis non, c'est pas mon bras par terre, c'est rien, c'est dégueulasse. Donc Pierre s'applique sur la peau un bandage imprégné de radium et il va décrire précisément les brûlures qu'il va constater. Il va voir que leurs mains tous les jours, à tous les deux, sont très enflammées. Et plus grave encore, tous les deux se plaignent, mais vraiment souvent et beaucoup, de fatigue extrême. Et pour l'instant, et pour toujours d'ailleurs, hein, ils vont attribuer ça à l'âge et à leur travail. De plus, ils se nourrissent tous les deux vraiment très très mal. Apparemment, elle était très maigre, Marie, à l'époque. Mais on sait très bien aujourd'hui, hein, ils avaient des douleurs articulaires aiguës. On sait que ça ne vient pas de là. Hein, mais n'empêche que Pierre, à l'époque, ne dormait plus la nuit. Il avait des vives douleurs dans le dos. Marie, elle essayait de se ménager parce qu'elle retombe enceinte. Et elle ne veut pas perdre son bébé. Elle avait fait une fausse couche, en fait, quelques années auparavant. Et vraiment, leur santé décline. Ils ne partent pas en vacances, ils ont une invitation importante aux États-Unis, ils n'y vont pas. Mais bon, la vie continue. En 1904, Marie accouche de leur deuxième petite fille, Ève. La fatigue est lourde et en fait, Marie sombre encore dans une dépression à cette époque. Pendant ce temps, la radioactivité, elle, devient à la mode. On la connaît de plus en plus. Les recherches sont très actives, les effets spectaculaires. On s'aperçoit que les animaux et les plantes y sont très sensibles. Et c'est un peu... c'est incroyable. Mais à l'époque, il va se développer un phénomène de mode à l'égard du radium. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas cette histoire. Le public, il voit carrément une substance magique. Et alors là, le marketing est plein d'autres personnes se frottent absolument les mains. On va vendre des crèmes de beauté anti-vieillissement au radium, des ceintures irradiantes pour affiner les tailles, des dentifrices au radium, des crèmes de fête pour les fesses des bébés au radium, des rouges à lèvres, des préservatifs au radium, des torchons de cuisine pour lutter contre les odeurs, des engrais, des bières et même un crucifix au radium car il est fluorescent. Et là, je vous assure, la liste est très longue en fait. Je connaissais pas du tout. Il y a plein d'images qui traînent sur internet, vous pouvez vous faire plaisir. T'as oublié quand même, mon préféré c'est le suppositoire. Bon, je sais pas si c'est un oubli volontaire ou non. Donc, je suis là, je sauve la réputation. Oui, bravo. Donc, on veut lutter contre la vieillesse, la calvitie, la boulimie, la perte de libido, tout ça avec le radium. Mais moi, je ne connaissais pas du tout cette histoire. Et par contre, évidemment, à l'époque, bah, les cas d'empoisonnement au radium, ils apparaissent aussi. Il y a une histoire scandaleuse aux États-Unis avec l'affaire des Radium Girls. C'était des ouvrières d'une entreprise qui utilisait le radium. Et elles ont été malades, en fait. On les obligeait, ces employés, ces ouvrières, à effiler un pinceau entre leurs lèvres. Et c'était un pinceau qui était imprégné de peinture au radium, en fait. Donc là, elles étaient atrocement... elles ont dû avoir des cancers pas possibles. Mais il y a eu une mauvaise foi incroyable. On les a accusés d'être atteints de syphilis à l'époque. Alors j'ai lu quelque part, mais alors ça je ne suis pas allée vérifier, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que si vous mettez un compteur Geiger sur leur tombe, celui-ci crépite encore. Bon, je ne sais pas, ça mais... sent la légende absolument fausse. Ça sent. Ah, c'est vrai, je dois bien l'admettre. Néanmoins, le scandale des Radium Girls, il est bien vrai. Il y a beaucoup de maintenant de... Il est bien admis et il y a beaucoup de documents là-dessus. Hein. Je voudrais quand même citer tout de suite, là aussi on va m'accuser de faire du spoil, mais Marie Curie mourra à l'âge de 67 ans des conséquences des radiations. Mais il faudra quand même attendre Little Boy et Fat Man, donc les deux bombes atomiques lâchées au Japon pour réaliser pleinement les effets de la radioactivité. Donc pour ceux qui... allez voir les images de la chatroom pour ceux qui ne sont pas en direct. Donc on a un petit florilège. Le dernier est particulièrement sympathique. Je crois que c'est Pierre qui l'a partagé. Une saine et douce chaleur radioactive, laine au radium pour les enfants, quoi. Avec une belle photo de bébé qui est joyeux. C'est et là, fou, je hein. tombe quand même sur le radium camembert. Quoi ? Du fromage au radium ? Il semblerait. Ah oui. Waouh. C'est fou, hein. C'est fou ce que l'ignorance peut nous faire faire. Le réflexe de l'humain, quand il trouve un nouveau truc, il en fait n'importe quoi, dont de la bouffe. Tout va bien. Bon, en France, hein. Bon. Alors, bon, je continue quand même. dans les années 1900 et quelque chose, en fait, une chose surprenante, Pierre et Marie assistent à des séances de spiritisme. Et ça, ils ont été assez décriés là-dessus. Certains Parisiens, et pas des moindres d'ailleurs, vont assister aux séances de la fameuse Eusapia Palladino. Elle est très connue aussi. Parmi ces gens-là, on trouve Jean Perrin, on trouve Paul Langevin, Henri Bergson, Sully Prudhomme, qui vont participer à ces séances. Pierre, là aussi, écrit des comptes rendus très détaillés des séances, comment les tables sont soulevées, comment ses cheveux sont tirés, les objets sont déplacés. Mais il note qu'il pourrait s'agir de supercherie, mais il n'arrive pas à le démasquer, en fait. Et lui, en parlera toute sa vie, parce que... En fait, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de comprendre. Il raconte comment on a essayé de lui lier les bras à la médium, on lui liait les jambes et les bras, on laissait la lumière allumée, on mesurait la tension artérielle, on essayait de détecter des maladies mentales, mais personne n'a jamais réussi, en fait, à vraiment démasquer encore une fois la supercherie. Et la plupart des spectateurs à l'époque ne veulent pas croire au surnaturel, mais on n'arrive pas encore une fois à comprendre. Et c'est assez surprenant. Il y a eu des histoires. Moi, j'ai entendu des gens raconter des bêtises après ça, qui ont dit que Marie, elle utilisait des pendules. Mais ça, c'est pas vrai du tout. Hein. Mais c'était surtout Pierre, je pense, qui était très curieux. Et d'ailleurs, après la mort de Pierre, Marie n'assistera plus du tout à ces séances et elle n'en parlera pas du tout, en fait. Alors, à l'époque, le couple fréquente aussi beaucoup d'autres scientifiques, on s'en doute. Ils reçoivent chez eux. Par contre, on n'y mange pas, hein, je vous le dis tout de suite, parce que ni l'un ni l'autre n'est versé dans la cuisine. Mais je voulais lire une description écrite à l'époque par une de leurs invitées, parce que je crois qu'elle décrit bien le couple, en fait. Parfois, Pierre et Marie se glissent, pareil à deux ombres. Lui parle peu, elle, d'apparence très jeune, attrayante, sous ses cheveux frisés, entre brusquement dans une conversation scientifique pour exposer longuement son point de vue scientifique. Il m'intimide. Voilà, c'est donc juste une toute petite porte ouverte sur le couple, en fait. Donc, je relève ici qu'en dépit, encore une fois, de ces photos peu attrayantes, apparemment, Marie Curie était une fort jolie jeune femme. Alors, Pierre et Marie, à l'époque, créent donc des amitiés très solides, avec très profondes, avec Paul Langevin, avec Jean Perrin et d'autres scientifiques moins connus de l'époque. Ils avaient peu d'amis, je cite, par un souci de sincérité qui dominait leur vie morale. Moi, je trouve ça très beau. C'est Paul Langevin qui a écrit ça. Donc, je répète, Paul Langevin a écrit au sujet de Pierre et Marie qu'ils avaient peu d'amis par un souci de sincérité qui dominait leur vie morale. Moi, je trouve ça très beau. Donc, la bonté et la recherche de vérité, c'était deux caractéristiques qui reviennent souvent pour décrire Pierre et Marie. Hein. Les liens qu'ils ont avec leurs amis sont très profonds. Et d'ailleurs, donc, tout le monde se côtoie. Je ne dirais pas que c'est la fête sans arrêt, mais n'empêche, ce sont des amitiés très solides. Et même leurs enfants resteront liés toute leur vie, souvent. Donc, ils forment en fait un cercle restreint, mais comme on dit, empreint d'honnêteté et de bonté. Même si le plus souvent, les discussions spontanées se terminent souvent par un débat sur la recherche en physique, néanmoins, c'était avant tout de l'amitié. Donc, les hypothèses, les critiques, elles jaillissaient avec les idées. Et on raconte que Marie, elle riait beaucoup à l'époque. Elle riait parfois jusqu'à en pleurer, en fait. Donc, elle a vraiment des moments où elle est très heureuse, où on la voit vraiment épanouie et heureuse. À l'époque, donc, on est dans les années 1906 et le couple est vraiment indissociable. Ils ont une complicité totale. Et ça se voit vraiment dans leur laboratoire. Ils travaillent vraiment ensemble. Donc c'est vraiment très très beau comme image. Et puis en avril, un soir, Pierre assiste à une réunion administrative sur les universités pour essayer de consolider et augmenter les programmes scientifiques. Et là, c'est à la sortie de la réunion que l'accident terrible se produit. Il pleut. On pense qu'il était déjà très handicapé physiquement par les douleurs. Il y a son parapluie qui lui bouche la vue, son champ de vision. Il traverse la chaussée et puis il y a une carriole qui arrive. Et il est écrasé par les sabots du cheval et il meurt. Il meurt sur le coup. Alors le choc, on s'en doute, il est terrible pour Marie. Il est terrible. On voit dans son journal intime, elle se reproche que les derniers mots qu'elle ait adressés à son mari, ce n'est pas été des mots d'amour. C'est vraiment très, très poignant. Dans son journal intime, elle s'adresse directement à lui. Et c'est vraiment très beau. Ça vaut le coup de lire. Heureusement, elle est vraiment très entourée. Elle est très entourée, notamment par ses frères et sœurs. Et alors là, les lettres de condoléances, elles pleuvent. Elles sont vraiment fantastiques. Des plus grands scientifiques connus depuis Lord Kelvin, Arrhenius, Lawrence, Rutherford, Berthelot, tous ces hommages officiels sont nombreux. Je voudrais prendre le temps ici aussi de vous lire celui de Henri Poincaré. Je le trouve tellement touchant et il décrit tellement bien Pierre Curie et à rebours Marie d'ailleurs, que vraiment je voudrais vous le lire. Vous savez quel charme délicat s'exhalait pour ainsi dire de sa douce modestie, de sa naïve droiture, de la finesse de son esprit. On n'aurait pas cru que cette douceur cachât une âme intransigeante. Il ne transigeait pas avec les principes généraux dans lesquels il avait été élevé, avec l'idéal moral qu'il avait conçu, cet idéal de sincérité absolue, trop haut peut-être pour le monde dans lequel nous vivons. Voilà, alors Marie se mure dans la douleur. Elle paraît de marbre, mais son être intérieur n'est que tristesse et souffrance. Désormais, ça sera vraiment difficile pour elle de prononcer le nom de Pierre, même avec ses filles. Et vraiment, la tristesse s'abat sur la maison. Irène, donc la fille aînée, est une enfant très, très sérieuse et très, très studieuse. Donc, vous le savez probablement déjà, hein, elle-même sera physicienne, elle va obtenir un prix Nobel de physique. En revanche, Ève, c'est vraiment le contraire. C'est l'opposé même, je dirais. C'est l'artiste de la famille et elle est très gaie et elle est dans les arts, elle est très versée dans les arts, pas du tout dans la science. Et elle, qui n'aura vraiment pratiquement pas connu son père, elle se souviendra d'une enfance malheureuse. Elle décrira son enfance comme étant malheureuse, malgré une mère aimante, mais malgré tout une mère souvent dépressive et à l'époque triste et austère. Marie, à l'époque, refuse aussi toute aide matérielle. Elle réussit à se remettre au travail durant l'été, enseignement donc et recherche. Donc elle se réfugie dans son laboratoire, elle essaie de noyer la douleur dans le travail. Elle ose écrire à sa sœur, même des années plus tard, que même ses filles n'arrivent pas à lui redonner le goût à la vie. Même si elle est une maman très attentionnée, elle est présente, elle aime ses filles, elle les trouve jolies, elle veut en faire des grandes personnes, mais je trouve que c'est remarquable comment elle a le courage de le dire, que malgré tout cela, elle n'arrive pas à retrouver le goût à la vie. Et pour longtemps, elle va s'habiller en noir à partir de là. Ses habits ne seront plus qu'en noir. Fin 1906, elle déménage. Elle déménage avec ses filles et son beau-père. Son beau-père qui vit avec elle, heureusement, avec qui elle s'entend bien. Celui-ci est quelqu'un de très érudit et très indulgent. Il s'occupera beaucoup, beaucoup d'Irène et de Ève, avec l'aide aussi d'une gouvernante polonaise. Irène, qui est très proche de son grand-père, elle ressemble beaucoup à son papa, Pierre, par son caractère. Et donc le beau-père, lui, c'est quelqu'un d'assez stoïque, peut-être plus courageux, on va dire, que Marie. Il va s'obliger à mener une vie normale, en fait. Il va essayer de surmonter la douleur. C'était quelqu'un de républicain, d'anticlérical, résolument quelqu'un de très attaché au réel et qui va transmettre toutes ses valeurs à sa fille. Il va lui donner aussi... Il va aussi donner à Irène un goût prononcé pour la littérature, en fait. Donc, on voit que c'était vraiment des gens qui étaient, comment dire, très équilibrés de ce côté-là. Et puis, toute la famille polonaise est là aussi pour s'occuper des filles, en fait. À l'époque, Marie va décider de retirer ses filles de l'école publique et elle va organiser une école à la maison. Hein. Elle va organiser avec des amis, des amis scientifiques le plus souvent, des cours d'histoire, de géographie, de l'anglais, de l'allemand, la littérature, le dessin, la biologie, les maths et la physique. Donc tout ça, elle organise tout ça. Il faut dire aussi qu'à l'époque, Pierre Curie, lui aussi, il avait eu des cours, il avait été enlevé de l'école publique, mais on peut trouver ça surprenant parce qu'il c'était un grand défenseur de l'école publique, mais en fait, c'était souvent c'était souvent le cas à l'époque, et j'ai lu, alors je ne suis pas allée vérifier, que l'école n'était pas obligatoire à l'époque, apparemment. Et donc, ses parents avaient jugé que pour Pierre, c'était, le système public n'était pas adéquat. En fait, il se trouve que Pierre Curie, c'était quelqu'un incroyablement brillant aussi, mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que c'est quelqu'un qui était très lent. Il était très lent et il n'aimait pas du tout passer d'un sujet à un autre. C'était quelqu'un qui aimait bien se focaliser sur un thème, sur un sujet, se plonger en profondeur dans un sujet à la fois. Et du coup, lent, ça veut dire qu'en gros, il faisait, il était monotache, quoi. Voilà. Comme oui. Nicotube. Bon, c'est bien de comparer Nicotube à Pierre Curie. Ouais, je sais pas. J'arrive à cuisiner, je suis pas un branleur, quoi. C'est des carottes crues que tu mangeais tout à l'heure. Et alors ? Bon. Bref, Marie donc organise une petite salle d'études et en fait, elle va former plusieurs grands scientifiques de cette façon, dont sa fille Irène. Alors il y a une leçon par jour, le reste c'est vraiment des expériences de la chimie, de la physique, des visites de musées. Par contre, ça ne va pas durer très longtemps en fait. Au bout de 2 ans, tout ce petit monde va retourner au lycée. Et c'est vrai que bon, c'était quand même une formation très scientifique à la base, et Ève, elle n'en a pas eu un souvenir excellent. D'ailleurs, elle restera imperméable à la science toute sa vie parce qu'elle, elle est plutôt... elle est vraiment très littéraire et musicienne. C'était une excellente musicienne et elle raconte avec humour. Quand elle entendait Irène et sa mère parler d'équations mathématiques, elle entendait bébé au carré, bébé prime, des choses comme ça. Et donc, elle entendait tout ça. Puis, ça faisait, elle raconte comment ça faisait... Elle écrivait très bien, Ève aussi. Elle disait, ça faisait jaillir dans son imagination des images de charmants bébés dont elle se demandait bien en même temps pourquoi ils étaient carrés. Mais bon, ça n'a pas marché, ça l'a pas guidée vers une carrière scientifique. Par contre, Marie a voulu très tôt que Irène soit une scientifique de haut niveau et je pense qu'elle a mis beaucoup, beaucoup de pression sur cet enfant. Elle a dû être énorme et j'ai pas énormément lu sur Irène, mais apparemment c'était quelqu'un de vraiment très austère et Einstein l'a décrite comme un soldat tellement elle était sérieuse. Et Irène, on le sait aussi peut-être pas, mais elle est morte à 59 ans à cause des radiations en fait, qu'elle a reçues aussi. Alors, dès la mort de Pierre, les amis et les scientifiques se battent pour faire obtenir à Marie une chaire à la Sorbonne. Et ils y parviennent avec un vote à l'unanimité. Donc, c'est une grande première en France. Marie hésite, elle ne se sent pas digne, elle ne se sent pas à la hauteur, elle a des scrupules à reprendre la chaire de son défunt mari. Mais finalement, elle accepte. Elle veut quand même prolonger l'œuvre, le travail de Pierre. Et... il faudra qu'elle se batte, en revanche, pour que les femmes soient autorisées à assister à ses cours. Et à son premier cours, ben, on verra des étudiants, des politiciens, des Polonais, des artistes, des femmes du monde qui sont là. Et son cours traite, bien sûr, de la radioactivité, de la formation des ions dans les gaz. Et l'ovation est totale à son entrée. Elle rentre très humblement par la porte du fond dans l'amphithéâtre, 7 mois donc après la mort de Pierre, et elle reprend son cours là où il l'avait laissé. Elle est blonde, elle est mince, elle est pâle, et comme toujours, elle porte une robe noire. Pendant ce cours, elle n'aura laissé paraître aucun sentiment, même sous les applaudissements, les bravos de l'auditoire qui, lui, a du mal à cacher ses émotions. Et la presse va saluer l'événement. Et là, je ne peux pas m'empêcher, encore une fois, de lire un extrait du journal, le journal qui dit « Le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains ». Voilà, messieurs, je vous laisse apprécier. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Bah, il serait bien aussi d'ailleurs qu'on switch l'utilisation de homme à tout bout de champ pour parler de l'espèce humaine à oui. humain. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, si l'on en croit le journal qu'a écrit Marie à l'époque, elle a vraiment vécu ce premier cours comme une torture, une épreuve vraiment difficile. Elle parle que de devoirs envers Pierre et envers ses filles, qu'elle se doit d'éduquer, elle doit être à la hauteur, elle doit prouver au monde que Pierre était fier d'elle mais, et que, qu'il ne s'était pas trompé. Et par contre, à partir de ce jour-là, le jour où elle a donné ce premier cours, elle va carrément cesser d'écrire dans son journal. On ne sait pas trop pourquoi, mais peut-être le désir de tourner une page, elle a réussi à surmonter une douleur. Bref. Mais bon, elle continue de se noyer dans le travail et un de ses objectifs, c'est de continuer à se battre pour créer un institut de recherche, celui dont rêvait Pierre, qui est l'Institut du Radium. Alors, avec un sens vraiment poussé des détails, on l'a déjà vu, elle va orchestrer toute la conception et la construction de cet institut. Elle va même acheter les plantes du jardin qui va l'entourer. Et d'ailleurs, à noter que c'est pour honorer cette passion pour les roses qu'elle a, qu'une rose orangée bordée de roses, très belle d'ailleurs, sera baptisée Marie Curie. Donc, messieurs, mesdames, si vous aimez les roses, il y a une très belle rose qui s'appelle Marie Curie, que je trouve très jolie, ouais. Alors cet institut, il va prendre vie en 1914 et deviendra après la guerre un institut de recherche prestigieux, donc axé évidemment sur les recherches en radioactivité. Alors dans les années 1910, Marie semble revenir à la vie. Elle part en vacances avec ses amis scientifiques de la Sorbonne et elle se révèle, on n'est pas trop surpris quand même, incroyablement compétitive en matière de sport. Elle s'entraîne à la nage pour être sûre de pouvoir battre tout le monde. Je trouve ça très, très mignon. C'est cette année qu'elle va postuler pour un poste à l'Académie des sciences. Et là, malheureusement, c'est une femme et la polémique fait rage. Et c'est alimenté très largement par la presse. À l'époque, beaucoup ne veulent pas d'une académicienne, dont d'ailleurs certaines femmes, une d'ailleurs en particulier qui était écrivaine et qui publiait sous un pseudo masculin, Marie-Louise Régnier, de son vrai nom, et qui l'a vraiment critiqué très vertement. Je vous invite à lire les fiches aussi. Il y a eu des fiches graphologiques et physionomoniques qui ont été publiées à l'époque, c'est incroyable. On voulait prédire le caractère de Marie à partir de son écriture et de son anatomie. C'était des portraits flatteurs du reste, mais c'était vraiment époustouflant. Par exemple, on peut compter sur elle parce qu'elle a un large front, de grands sourcils et des lèvres bien dessinées. Messieurs, je vous laisse penser encore une fois à quoi ressemble votre scientifique masculin préféré, style... Bon, je vais passer, bref. Et alors là, incroyable, même l'Église va s'en mêler. Parce que un des concurrents de Marie est Monsieur Branly, qui est un grand catholique fervent, et qui est, pour ceux qui ne savent pas, moi je ne savais pas du tout, qui est l'inventeur du télégraphe. Et donc Monsieur Branly, je répète, inventeur du télégraphe, très célèbre en France, qui postule pour ce poste à l'Académie des sciences, donc qui entre en concurrence avec Marie, mais il est très catholique et très fervent. Et alors là, la situation, elle dégénère vite, très vite et incroyable. Et on va la comparer à l'affaire Dreyfus. C'est inimaginable. Poincaré, qui lui est un Dreyfusard, est insulté pour soutenir Marie. Et l'affaire devient vraiment une affaire d'État. Et pas toujours contre Marie elle-même d'ailleurs, mais contre ses partisans. C'est-à-dire que choisir Branly, ça devient un choix patriotique. C'est à l'époque aussi qu'on dit que Marie, c'était qu'une assistante de Pierre dans le labo. Enfin, mais les insultes pleuvent, ça prend des proportions incroyables. Marie décide elle se rebelle, elle décide de relever le défi, de se battre. Elle est obligée de faire ces fameuses visites de courtoisie qui font partie du protocole, qui avait d'ailleurs beaucoup révulsé Pierre quand il avait lui-même postulé. Mais c'est immoral, c'est un affront à la bienséance. L'idée qu'une femme puisse porter un habit vert et porter une épée, c'est inadmissible. De nombreuses femmes s'opposent à Marie, décriant que le moyen à l'époque d'être égal à l'homme... critiquant ce besoin d'être égal à l'homme, parce qu'en plus, ça voudrait dire perdre sa féminité. Est-ce que tu sais si Édouard Branly, c'est le gars du Quai Branly, là ? Non. Tu sais, oui, je connais le Quai Branly, ouais. D'accord. Mais j'habite pas Paris, j'ai jamais habité Paris, et j'en ai aucune idée. Hein. C'est une bonne question. Ça serait intéressant. Hein. Donc apparemment, si Marie, elle était moche, peut-être que ça aiderait à faire passer de la pilule, hein, à voir quelqu'un de moche. Mais non, comme elle est jolie, en plus, ça aide pas, quoi. On dit qu'à l'époque, c'était cette fameuse Louise Régnier là, qui a écrit que la femme ne doit vouloir l'éternité que par amour, pas en entrant à l'académie. Et le jour du vote, Marie, elle va échouer au second tour par deux voix. Elle, notons qu'elle sera membre de l'Académie des sciences au Mexique, en Argentine, en Hollande, en Russie, en Italie, en Pologne, mais pas en France. Et désormais, elle va refuser toute nouvelle tentative en France. Elle se sent carrément humiliée. Et il faudra attendre 93 en France pour voir une femme rentrer à l'Académie des sciences. Mais bon, elle continue à s'amuser. C'est complètement délirant, en fait, parce que... C'est fou, hein. À l'époque où c'était, enfin, après sa carrière, c'est aberrant qu'elle ne se fasse pas accepter à l'Académie, en fait. Non, surtout certaines personnes qui sont présentes à l'Académie des sciences, enfin, je ne dirai rien. Et je confirme, le nom du quai Branly est bel et bien un hommage à Édouard Branly. Waouh, et ben dis donc. Eh ben, c'est ouais. Bon, après il a été inventeur du télégraphe, hein. on peut pas lui enlever ça quand même, hein. Mais bon. Du télégraphe? Ouais, inventeur du télégraphe. Ah ben, un télégraphe modifié alors, parce que le télégraphe il existait depuis la Révolution. Écoute, moi dans la biographie que j'ai lue, on parle de monsieur Branly qui était l'inventeur du télégraphe en France, donc je sais pas du tout. Pascal avait l'air de dire que c'était le télégraphe Chappe, alors je sais pas. Le télégraphe Chappe, c'est sous la Révolution, mais là j'ai l'impression que c'est... Ah non, le télégraphe, je pense qu'il dit que c'était le télégraphe électrique qu'il a dû inventer et que toi tu parles du télégraphe Chappe. Oui, c'est d'accord. Ça. Oh, oui. D'accord. J'imagine. Donc elle continue de bosser et elle a beaucoup de succès. Elle publie deux livres, elle continue à purifier son radium et elle refuse en 1910 la Légion d'honneur. Et puis, en octobre 1910, un chimiste belge, Solvay, je pense qu'il y a une grosse industrie qui s'appelle Solvay depuis, invite ce que Einstein appela avec humour le sabbat des sorcières. Donc ce chimiste, il organise une grande conférence en Belgique. Et là, on y retrouve donc les plus grands noms de la science du moment. Einstein, Rutherford, Planck, Lorentz, Perrin, Poincaré, Langevin. Et une seule femme, évidemment, Marie. Et alors là, c'est pendant ce congrès qu'à nouveau le scandale éclate. Un journal publie un article sur la relation adultère de M. Paul Langevin avec Marie Curie. Et en fait, ça vient de la belle-mère de Langevin, donc la mère de sa femme, lui, qui alimente le ragot. Elle a décidé d'utiliser la presse et elle raconte comment l'illustre Madame Curie a enlevé le mari de ma fille, le père de mes petits-enfants, blablabla, blablabla. Et alors là, la presse, mais elle se régale. Elle alimente abondamment toutes les rumeurs, les humeurs, les émois. Et là, c'est un carnage. La bataille morale fait rage. Donc, certains soutiennent Marie, d'autres la décrivent. Je voudrais quand même souligner tout de suite que quand même, le coupable, c'est pas elle. Elle est veuve. C'est lui qui est marié quand même. Elle est veuve depuis longtemps. Mais non, c'est Langevin, c'est elle qu'on accuse. Hein. On a pris, mais c'est incroyable, hein, les techniciens du labo, on les prend à partie, on accuse Langevin d'avoir pratiquement kidnappé ses fils pour les forcer à partir en vacances les très précédents avec Marie, on épluche leur emploi du temps, leur vie privée, tout ça publiquement. Hein. Elle essaie de se défendre publiquement contre ses attaques à la vie privée, elle le fait d'une façon très honorable, elle se garde bien de révéler un mot sur sa relation avec Langevin, elle explique tout simplement que c'est sa vie privée et que ça ne regarde personne. Elle menace du coup la presse de procès et le premier journaliste qui a osé publier cette horreur lui adresse d'ailleurs une très très belle lettre d'excuse et elle va la publier en fait. Elle le publie donc le 8 novembre 1911 dans le quotidien Le Temps et le lendemain, le même quotidien annonce que Marie vient de se recevoir le prix Nobel de chimie. Mais on va y revenir. Donc l'affaire Curie-Langevin, en fait, elle n'est pas finie. Paul et Marie sont conseillés par Raymond Poincaré, qui est avocat, mais pas encore président de la République. On essaie de calmer les esprits, on essaie d'arrêter cette press people, de vomir tous ces articles dégoulinants de principes moraux nauséabonds, c'est dégoûtant. Mais le scandale, en fait, il est ranimé par le beau-frère de Langevin, qui est journaliste et qui a réussi à voler les lettres que les deux amants se sont écrites. Et il menace de tout publier, en fait. Et puis, il le fait. En fait, il va le faire. Il va publier tout ça, c'est dégueulasse. Et cette fois, la foule bien pensante menace même physiquement Marie et ses filles chez elle. On va chez elle et on crie sous ses fenêtres. Et maintenant, ce n'est qu'une salle polonaise. Vraiment, les insultes pleuvent. Et J'ai perdu le fil. En fait, Irène, d'ailleurs, la fille de Marie, va découvrir tout ça dans la presse. Mais en fait, l'entourage de Marie, quand même, était au courant de la relation amoureuse entre Paul et Marie. Mais ça fait scandale. L'affaire remonte au Conseil des ministres. On demande à Marie de quitter la France. Je vous passe vraiment tous les détails. C'est vraiment sordide. Et d'autant plus que M. Langevin est très rarement mis en cause. La seule fois où il y a eu un journaliste qui a osé rappeler qu'il était marié, Monsieur Langevin l'a provoqué en duel, mais il n'a pas osé tirer, donc en fait il ne s'est rien passé du tout. À l'époque c'était très courant apparemment. Néanmoins, le 1er décembre 1911, le jury va accorder à Marie le prix Nobel de chimie pour ses travaux, et cette fois Marie, elle ira à Stockholm chercher son prix. Et je vous lis quand même un extrait d'un journal, du journal L'Œuvre, qui a été paru à cet égard. Marie Curie est-elle juive ? Quand sa candidature à l'Académie des sciences fut stoppée par le parti des métèques à celle de M. Branly, Mme Curie le nia énergiquement. Son père est en effet juif converti. Avant son mariage, Mme Curie s'appelait Maria Salomé Sklodowska. Donc on voit comment l'antisémitisme qui sévit gravement en France se mêle à l'histoire, et ça je le rappelle encore, c'est parce que M. Branly était un catholique, et donc on a accusé Marie, j'ose même pas dire l'accuser d'être juive, parce que je vois pas en quoi ça serait un truc coupable, mais tout s'y mêle en fait, c'était vraiment horrible quoi. Bref, finalement, l'affaire va très doucement, calmement, s'apaiser. La femme de Paul Langevin décide d'arrêter les poursuites, et puis la guerre va éclater. Hein. Mais j'ai quand même été assez triste de lire que Paul Langevin, en fait, au début de la guerre, a quitté Marie. Il est retourné vivre avec sa femme et ça l'a pas empêché en fait d'accumuler les adultères, et puis il aura même un fils en fait avec l'une de ses conquêtes. Voilà, un nouvel épisode de la vie de Marie. Donc la guerre de 14 éclate en France. Marie, bien que déjà affaiblie physiquement par les radiations auxquelles elle s'expose, décide d'agir. Alors à l'époque, donc la plupart des hommes sont mobilisés. Ce sont les femmes, donc qui souvent les remplacent dans les mines, dans les usines. Elles sont maçons, elles sont charrons, couvreurs. On les appelle les poilues de l'arrière. Donc elles sont très actives. Et Marie, elle, ce qu'elle décide de faire, c'est de mettre en place un service de radiologie mobile. Et l'ampleur de la tâche, encore une fois, est incroyable. D'abord parce que la plupart des médecins n'utilisent pas du tout cette technique. Souvent, ils ne la connaissent pas. Et puis, quand ils la connaissent, ils ne voient pas son intérêt. Ensuite, parce qu'il faut créer un équipement qui puisse être transporté, donc sur les lieux dont on pourra en avoir besoin. Au final, c'était quand même 250 kilos par kit de radiographie. Et il faut aussi les véhicules pour les transporter. Donc tout ça, Marie va s'en occuper. Elle va essayer de solliciter les femmes riches du pays. Elle va aller leur demander de donner leur voiture. Elle va aussi solliciter la Croix-Rouge. Il faut qu'elle trouve des générateurs, parce que c'est bien beau d'amener tout ça, mais il faut aussi du courant. Donc il faut trouver des générateurs pour tout faire fonctionner. Il faut trouver les brancardiers pour transporter les blessés là où il y a le matériel. Il faut éduquer les chirurgiens. Eux, encore une fois, pour eux, c'était bien plus facile souvent d'aller amputer un membre que de passer du temps à essayer d'en extraire un éclat d'obus. Et puis aussi, il faut noter qu'à l'époque, les résultats des radios, ils étaient beaucoup plus compliqués à lire que maintenant. Apparemment, il fallait avoir de bonnes notions de géométrie apparemment pour pouvoir interpréter la radio. Et donc, il faut aussi des techniciens pour faire fonctionner les machines. Donc, elle va créer une école. Elle va créer une école pour former ces gens avec un cursus de 2 mois, avec des cours pratiques et théoriques. Et elle va impliquer Irène. Elle va lui demander de l'aider dans cette tâche. Donc Irène qui est très jeune, mais qui sera vraiment très très active. Donc Marie, elle va apprendre à conduire. Et alors là, on la voit sur tous les fronts. Elle devient très connue. On la voit conduire ces petites voitures, ces voitures qu'on va appeler donc les petites Curie, les fameuses petites Curie. Et donc on a mis une image d'ailleurs dans la chatroom. Ah c'est vrai. Ah super. Ouais. Il faudrait que j'aille voir. Et donc, il faut quand même savoir qu'à la fin du conflit, grâce à elle, c'est plus d'un 1 million de radios qui ont pu être effectuées. Elle a créé 500 postes fixes de radiographie. Rien que sur le chemin des dames, il y a eu 50 postes mobiles et il y a eu 800 manipulateurs et 150 manipulatrices qui ont été formées, dont Irène. Donc un travail, encore une fois, c'est vraiment incroyable ce qu'elle a fait, cette femme. Voilà, et puis après la guerre, Marie se remet à travailler à l'Institut du Radium. Elle dirige avec une poigne ferme. Elle accueille de nombreux étudiants, une forte proportion de chercheurs venant du monde entier et de nombreuses femmes. Par exemple, Marguerite Perret qui découvrira le francium et dont le corps entier, malheureusement, émettra des radiations à sa mort. Marie, on la décrit comme parfois assez froide, mais voire très froide, mais en fait, elle est toujours très grande, elle montre toujours beaucoup de sollicitude. Elle a toujours eu des rapports très formels avec les gens. Il y a peu de gens dans sa vie qui pouvaient la tutoyer, mais elle est incroyablement efficace et elle connaît en détail tous les travaux des gens qui travaillent à l'Institut. Le plus difficile à l'époque, c'est quand même encore de se produire, de se procurer le radium. Alors, une partie de l'Institut est dédiée à la recherche. Il y aurait eu beaucoup de succès, en fait, beaucoup de découvertes qui y seront faites. C'est là aussi que Irène va rencontrer Frédéric Joliot. Donc, à partir de là, elle s'appellera donc Madame Irène Frédéric Joliot-Curie. Ils vont découvrir ensemble la radioactivité artificielle. Ils obtiendront le prix Nobel de chimie en 1935. Et en 1929, Marie et sa sœur Bronia vont créer le même institut en Pologne. Revenons un tout petit peu en arrière, en 1920, c'est une anecdote. Marie va accepter une interview d'une journaliste américaine. C'est une histoire quand même assez bien connue. Cette journaliste américaine s'appelle Missy. Et alors Missy, elle va devenir envoûtée par Marie. Elle adore Marie. Et alors, elle va se battre comme une acharnée aux États-Unis pour Marie. C'est fantastique. Elle va lui organiser ce qu'on appelle aujourd'hui des road trips, bien à l'américaine. Les Américains, souvent, ils se comportent comme des grands enfants. Et ça, Marie, elle n'aime pas bien. Mais néanmoins, elle va quand même collecter des fonds auprès des femmes américaines sur tout le pays. Et on pourra lui offrir comme ça un précieux gramme de radium. Elle est reçue en grande pompe à la Maison Blanche et elle va recevoir aussi un gros chèque, on va dire, du président Hoover. Il faut dire que dès le commencement de leur histoire, Pierre et Marie avaient décidé de ne pas breveter leur découverte. Sinon, ils auraient été incroyablement riches, évidemment. Mais pour eux, l'argent, ce n'était pas la rétribution qu'ils attendaient de leur découverte. Donc, ils n'ont jamais découvert, ils n'ont jamais posé de brevet. En 1922, Marie est élue à l'unanimité à l'Académie de médecine. En mai 22, donc, elle a été élue à la Société des Nations. Et à partir de là, et jusqu'à sa mort, elle va vraiment œuvrer pour la coopération intellectuelle. Elle va militer pour la recherche scientifique. Elle est maintenant, on le sait, traitée en héroïne par les gouvernements français. C'est bien. Déjà à l'époque, ça allait mieux. Elle était honorée, elle était reconnue. Elle va beaucoup voyager en Europe. Elle est reçue, on le sait, par des rois, des reines. Elle assiste à des congrès partout dans le monde. Elle est souvent accompagnée de sa fille Irène. Mais elle sera toujours, toujours timide, sans fatuité, bien que consciente de sa valeur. Elle a toujours eu horreur de l'ostentation. À l'époque, elle s'habille en noir encore. Elle va tomber amoureuse du sud de la France. Elle a une maison, elle se fera bâtir une maison à Cavalaire. Elle va planter notamment beaucoup de roses. Et elle fera du sport, elle va toujours faire du sport jusqu'au dernier mois de sa vie. Apparemment, elle a fait beaucoup de baignades, de patinage, de marche en montagne. Et puis finalement, en 1934, c'est des problèmes pulmonaires qui vont la faire hospitaliser dans un sanatorium près de Chamonix. Et elle va y décéder le 4 juillet 1934. Ses derniers conseils, c'était pour son mécanicien, lui disant « N'oubliez pas Georges Le Rosier ». Et Eve sera à son chevet quand elle va décéder. Voilà. Et les hommages du monde entier sont vibrants. Si vous êtes intéressé, c'est vraiment très, très touchant. Et voilà, une dernière phrase. Marie aimait se comparer à une chenille qui est obligée de filer son coton. Elle poursuivait son but du mieux qu'elle pouvait, sans savoir si elle atteindrait jamais son objectif. Voilà, je suis un petit peu émue parce que je trouve que c'était une femme incroyable, mais Voilà, j'espère que vous avez découvert plein de choses intéressantes sur Marie. Carrément, beaucoup, beaucoup de choses. C'était vraiment incroyable. Hein. Histoire moi, j'étais accroché tes lèvres. Histoire de conclure sur Marie Curie, ton prénom a un quelconque rapport ou pas du tout? Non, aucun. D'accord. Non. Je me suis demandé, parce que comme du coup t'es touché par Marie Curie, je me suis dit que s'il faut, dès le début, ça avait été un élément, mais en fait non. Ok. Bah, c'est vrai que ça m'a toujours interpellé qu'elle ait une fille qui s'appelle Irène, mais j'avais pas des parents scientifiques du tout, donc voilà. D'accord. Ok. Est-ce qu'on a des questions d'auditeurs? Je crois pas spécialement. On a eu un premier dessin de Pouillot, et sans doute le dernier du coup, mais qui est tout sympathique, avec Pierre et Marie Curie qui ont une tendre soirée entre deux recherches à la lueur du radium. C'est bien. Et oui. Tout poétique, quoi. Ouais. Voilà, on a encore... Bon, c'est vrai, je m'attendais pas à avoir des questions, hein. C'est vrai que c'est une biographie, donc il n'y a pas de... On a encore eu un live map très très chargé par livemap.fr qui nous donc a essayé de retranscrire tout ce que tu as raconté. Il y a l'air d'y avoir pas mal de choses. Enfin, c'est marrant, vous pourrez aller voir comment c'est organisé. Ouais. Par contre, super. Moi, ce que ça m'évoque, c'est vraiment un intérêt pour les petites Curie. Et notamment, bah, tu as parlé de fait qu'il y avait besoin de notions de géométrie, de trucs comme ça. Ce serait vraiment peut-être intéressant, une fois, d'avoir justement ce blogueur-là, Paul GM, qui participe, qui a créé ce blog sur les petites Curie. Pour justement discuter de tout ce que ça impliquait. T'as expliqué les sources de courant qu'il fallait avoir, de sources d'énergie, etc. Mais à mon avis, il y a pas mal de choses à creuser pour se rendre compte de... ça doit être assez intéressant, quoi. Oui, c'est vrai parce que effectivement, là, on a passé une minute dessus, mais ça a dû être un travail incroyable. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, il y a un sujet passionnant. D'une part, le parallèle entre l'histoire qui a dû être quand même assez intéressante, et l'autre, c'est juste la science derrière et la technologie. À mon avis, ça doit être pas mal. Et oui, parce que apparemment maintenant c'est assez direct d'aller lire une radio, mais apparemment à l'époque, j'ai l'impression que il fallait. Il y a une histoire de distance entre... Il fallait interpréter... Alors, j'imagine que c'était parce que l'impression ne se faisait pas près du corps, en fait. Et du coup, il fallait des notions de géométrie pour aller voir si on voit quelque chose de suspect sur la radio, à quel endroit du corps ça correspond exactement. Tel qu'on le voit, elles ont les personnes qui sont impliquées dans ce mécanisme, il y a un petit schéma là qui est représenté. Ça a l'air assez compliqué. Et surtout, le matériel qu'ils utilisent, moi, je ne comprends pas trop exactement comment ça se passe. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose sous le brancard. Je ne sais pas si tu vois exactement l'image. Je le vois là. Personne qui est en face, en train de regarder avec des sortes de jumelles modifiées. Vraiment, à mon avis, il y a quelque chose à creuser. Ouais, c'est vrai. Ça m'évoque aussi, il y a cette affaire aussi sur la radiologie. À l'heure actuelle, ça reste toujours difficile de faire de la radiologie, même avec des ambulances, etc., portatives. Mais il y avait un article dans Nature qui est paru il y a, je sais pas, 5-6 ans, qui avait montré que quand tu déroules du scotch dans du vide, ça émet des rayons X. Qui permettent justement d'avoir un tout petit peu de qui permettent de faire de la radiologie. Et maintenant là, il y a une technologie qui se développe avec des fins rubans de scotch qui se déroulent dans le vide. C'est un truc complètement, c'est le mécanisme de la tribologie, le même mécanisme qui fait que tu peux avoir de la lumière en cassant un sucre. Si on y croit, t'as gagné ton pari, c'est ça? Alors, on peut faire, vous vouliez un quiz, info ou un tox, est-ce que Topo invente son est-ce qu'en déroulant du scotch, on peut faire des radios? Voilà. Merveilleux. Il y a Brusicor02 qui déjà émet un doute positif envers moi, merci. triboluminescence. Il y a même une page Wikipédia, a priori, sur la tribologie. Alors, la tribologie des triboluminescences, c'est juste le mécanisme d'émission de photons quand tu casses du sucre ou quand tu... Enfin, en gros, tu peux voir des éclairs de lumière. Mais maintenant, est-ce que ça fait des rayons X ? Ok, super. Je dirais pas qu'il y a un article sur mon blog sur le sujet, mais bon. Mais quand même. Mais quand même. Mais continuez à ramener des infos, ça oblige le live mapper de la soirée à essayer de remplir son map. Bah, ça m'évoque quelque chose, cette histoire. Ok, super, on a d'autres choses ou on passe joyeusement au pitch et à la côte ? Ouais, ça me va, de toute façon je dois vous abandonner, je vais aller manger. Alors passons au pitch. La semaine prochaine et pour les deux prochaines émissions, donc c'est les 10 et 17 novembre, on va vous parler de cosmographie. Donc nous avons reçu pour la dernière émission de la saison 5 Jean-Philippe Usan, qui nous a avoué son amour pour le cosmos, c'est pour le mot cosmos signifiant en grec à la fois beauté et l'univers. Et accessoirement, c'est une émission donc de, je sais plus de 2 heures sur la relativité générale, où on a explosé toutes nos audiences sur cette émission. C'est assez amusant. Bon, s'il y avait l'été derrière. Hein. Dans la foulée, il nous a donné plusieurs mots en découlant de la cosmologie, science de l'univers tout entier, à la cosmogonie, théorie de l'origine de l'univers. Il a aussi parlé de cosmothanatologie, mot nettement moins utilisé désignant les théories de mort de l'univers. Donc, pour ces émissions, on va parler de cosmographie. Donc, de la même manière que la géographie, la cosmographie est la science très ancienne de la description de l'univers dans son ensemble. À quoi ressemble la carte de l'univers ? Et la question qui vient tout de suite après, où se trouve le point rouge ? Vous êtes ici, en clair, où sommes-nous ? Donc voilà, sur 2 émissions, on va essayer de répondre à la question « Où sommes-nous ?» C'est moi super, qui ferai le dossier, hein. J'ai l'impression. Ah mais je ne savais pas si tu étais encore dans le coin, c'est pour ça, Joanne. Je croyais que tu étais parti. Bah vas-y, tu peux peut-être nous en dire 2 mots. Bah, c'est ce que je voulais, c'est en gros une émission pour essayer. C'est, comme on dit, il y a les émissions où on dit tout sur pas grand-chose, et les émissions où on dit pas grand-chose sur tout. Bah là, c'est le deuxième cas. C'est-à-dire que je vais prendre... Je vais essayer de prendre à différentes échelles, depuis le système solaire jusqu'à l'univers complet, et d'essayer de nous dire à peu près où on va et où on est. Voilà. Donc voilà. Super. Ben, moi, ouais, c'est un vaste programme. Voilà, un vaste programme. Changement d'échelle. C'est marrant, c'est pas la première fois qu'après un dossier d'Irène, où on était, je crois que c'était après les microbes, on était parti sur les télescopes. Et où, après les microscopes, on est parti sur les télescopes. Sur les télescopes, ouais. Ben là, voilà, donc pareil, on part loin, quoi. Ouais. Où toutes ces questions où tous ces gens n'ont pas laissé Marie Curie finir sa vie convenablement, on va relativiser ça un peu en partant loin, quoi. En partant loin, ouais, en prenant du recul, oui. C'est ouais, ça. Ouais. Ok, super, bah impatient, donc 10 et 17 novembre. Et sinon, pour reprendre le joyeux cours de l'émission, bah, on passe à la deuxième côte, Irène. Alors... Une autre réflexion de Marie Curie. Nous ne pouvons pas construire un monde meilleur sans améliorer les individus. Dans ce but, chacun de nous doit travailler à son propre perfectionnement, tout en acceptant dans la vie générale de l'humanité sa part de responsabilité. Et walou walou, à méditer. En effet. Voilà, puis je mettrai aussi, j'ai vraiment principalement utilisé un excellent bouquin, une biographie écrite par une journaliste, Jeannine Trottoro, et ça s'appelle tout simplement Marie Curie. j'ai regardé un peu quel bouquin existait, ils s'appellent tous Marie Curie, c'est impossible à trouver. Oui, c'est vrai que c'est pas très original. Donc t'as beaucoup aimé Marie Curie, par contre Marie Curie était un peu moins bon. Ouais, il y en a qui sont moins bons, quoi. Ok, super. Donc, tu redis le nom de l'auteur, du coup ? Jeannine Trottoro. T-R-O-T-E-R-E-A-U, tout simplement. Ok, super. Chez Gallimard. Merveilleux. Parfait. Voilà. Parfait. Super. Bah, sur ce, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter, je pense qu'on peut conclure. À moins que Pierre ait envie de faire de la pub pour un autre de ses blogs, articles de blog. Mais je crois qu'il n'est plus là. Ah, il est allé manger. C'est ça. Bah, du coup, on va conclure sur cet épisode où on connaît donc la fin moins joyeuse de la vie de Marie Curie, qui a en tout cas eu une vie fascinante. Donc si vous avez aimé Marie, si vous avez aimé Irène, si vous avez aimé les deux, allez sur internet et diffusez l'épisode sur Facebook, Twitter, sur SoundCloud, sur les sons de Claude, pardon, sur tout l'internet mondial, notez l'épisode sur iTunes, envoyez-nous des messages sur podcastscience.fm, enfin, tout là vous pouvez en parler. En parlant du site, vous pouvez vous propager la bonne parole et vous nous faites plaisir, parce qu'on fait ça avant tout pour le plaisir. Vous pouvez aussi aller voir le dossier écrit et toutes les images que nous avons trouvées sur les produits de Radium dans les notes de l'émission. Et donc le dossier écrit, je ne sais pas quand il va être publié, peut-être qu'il sera même publié avant mes dossiers sur le deep learning qui traînent toujours à être publiés, mais ça devrait arriver sous peu. Et voilà quoi, et d'ici là, vous pouvez aussi aller sur Patreon, je vais faire un autre post dès que la NIPConf sera passée. Et puis voilà, d'ici là, on se retrouve donc le 10 novembre pour parler de cosmographie, et pas encore de cosmotanatologie, je vais jamais réussir à le dire. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. À ciao. Et Pouillot qui rajoute « Retrouvez les codes promo sur les produits au radium en fin d'émission. » Et là, Pierre générique. Moi, je trouve qu'on devait l'enregistrer, ça. Et c'est enregistré. C'est enregistré, t'en veux pas. Je verrai yes si je le mets, mais c'est enregistré. Donc... Awesome.